cœur. J'avais du mal à le donner. T'as pas fait ce que tu m'as promis. Je t'ai fait confiance, je l'ai regretté. Avec du temps, je m'en suis remis. C'est de ma faute, j'aurais pas dû. La trahison, ça fait mal, mais ça peut pas me tuer. Tu comptais pour moi, je t'ai tout donné. Le refaire une autre fois, plus jamais. Les yeux vers les cieux, car tu l'as fendu en deux. Tu as brisé ce qui m'était le plus précieux. Je t'ai fait confiance, mais tu me l'as mise à l'envers. Je comptais sur toi, mais tu m'as montré qu'il faut compter sur soi-même. Je t'ai fait confiance, mais tu me l'as mise à l'envers. Je comptais sur toi, mais tu m'as montré qu'il faut compter sur soi-même. Oublie-moi, moi, moi, moi, moi. Oublie-moi, moi, moi, c'est fait. Oublie-moi, moi, on ne se reverra plus jamais. Les mêmes. Oublie-moi, fais ta route et je fais la mienne. J'ai pas la haine, le meilleur je te le souhaite. Mais reviens plus jamais, tu es sorti de ma tête. Avant je regardais toutes nos photos et je me demandais qui avait fauté. Tu comptais pour moi, je t'ai tout donné. Le refaire une autre fois, plus jamais. Les yeux vers les yeux, mon cœur tu l'as fendu en deux. Tu as brisé ce qui m'était le plus précieux. Je t'ai fait confiance, mais tu me l'as mise à l'envers. Je comptais sur toi, mais tu m'as montré qu'il faut compter sur soi-même. Je t'ai fait confiance, mais tu me l'as mise à l'envers. Je comptais sur toi, mais tu m'as montré qu'il faut compter sur soi-même. Oublie-moi, moi, moi, moi, moi. Oublie-moi, moi, moi, c'est fait. Oublie-moi, moi, on ne se reverra plus jamais. Plus jamais. Oublie-moi, moi, moi.